Les expositions et exposés nationaux des réalisations scientifiques et techniques du secteur halieutique ont eu lieu du 25 au 30 mai au Palais des sciences et techniques. Y ont pris part les enseignants, scientifiques, techniciens et cadres des dizaines d'unités d'activités comme l'Université Gimelson et le complexe des pêches au large de Simpo. On y a présenté des centaines de produits et une centaine de thèses de valeur. À la cérémonie de clôture tenue le 30 mai, les meilleurs produits et thèses ont été primés.